Jusqu'à la fin de ma journée, je pensais toi mon amour. Sous la pluie, j'ai vu tes lèvres et la lune m'en parlait de toi. Et tes yeux sont gravés sur les arbres de ce bois. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les feuilles parlent de nous. Sous la dernière pluie de l'été. Sous la dernière pluie de l'été. Je veux pas l'amour fou. Mais où se cache la beauté du monde? Où se cache ma vie maintenant? Où se cache ma vie maintenant? Mais les roses ne sont plus vermeilles, ni à plus de rosé. Mais les roses ne sont plus vermeilles, ni à plus de rosé. Mais les roses ne sont plus vermeilles, ni à plus de rosé. Mais les roses ne sont plus vermeilles, ni à plus de rosé. Et jusqu'à la fin de ma journée, je pensais toi mon amour. Sous la pluie j'ai vu tes lèvres et la lune m'en parlait de toi. Et tes yeux sont gravés sous les arbres de ce